Lorsqu'il tient ta main dans un moment imprévu, il est comme un très ancien ami. Mais penses-tu, ce n'est que l'apparence? Quand tes yeux rencontrent Océan sous les mers profondes, tu te rappelles l'amour que tu avais presque oublié, mais penses-tu, ce n'est que l'apparence? Un matin que tu te sens tout seul, la voix qui t'appelle par téléphone peut lire une poème de Salve de Cairo, mais penses-tu, ce n'est que l'apparence? Toutes les fleurs sauvages parpluies d'avril regardent au ciel toujours plus proche. Ton bonheur et toi-même ensemble courant sur les prairies, vous savez donc que ce n'est plus l'apparence.